soutif, n'ayez-moi. Coupez cette en toute chose, que je fais loin. Pas besoin de marrer ça qui j'assoude, pas bon Dieu. Si t'es là, je le montre qui m'en déperpétuité. Soy fuerte.